Question 34. La signalisation indique un virage dangereux. Réponse A. Une limitation de vitesse. Réponse B. Une direction vers l'autoroute. Réponse C.